Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire du Vietnam et de l'Indochine alors que s'ouvre l'année du Vietnam en France. Demain, nous diffuserons un documentaire de Séverine Yatar et d'Anne Fleury consacré à un itinéraire particulier d'un Indochinois de France, celui de Claude Vo Tan Loc, né en 1912 en Cochinchine, arrivé en France à 14 ans en 1926 et qui ne retournera jamais dans son pays natal. Sa fille, qui a retrouvé des documents à sa mort, retrace son histoire, tente de la retracer et c'est l'histoire de ce documentaire que vous écouterez demain. Mercredi, nous nous promènerons dans l'exposition Indochine 1856-1956 qui se termine à la fin de la semaine au musée de l'armée à Paris et qui tente de retracer un siècle de présence française en Indochine. Jeudi, nous débattrons de l'histoire du Vietnam avant la colonisation. Quant au XVIIe et XVIIIe siècle, cette péninsule était au centre de routes commerciales et intellectuelles avec Philippe Papin, Frédéric Mancienne et Amandine Lepoutre. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir une grande voix de la radio publique, Jacques Chancel, qui dans son dernier récit « La nuit attendra » revient sur ses débuts radiophoniques en Indochine à la toute fin des années 40 et au début des années 50. Il y décrit une époque disparue pendant laquelle les Français de Saïgon fréquentaient le bar et l'hôtel du Continental, tandis que la voix du très jeune Jacques Chancel résonnait sur les ondes d'une radio qui s'appelait Radio France Asie. Avant de commencer cet entretien, nous avons d'ailleurs retrouvé un exemple tardif puisqu'il date de juin 1956, après le départ des Français d'Indochine, de cette présence de Jacques Chancel en Indochine sur la radio Radio France Asie. Il y a deux mois, dans le cadre de cette émission, je disais combien pénible avait été la fermeture de Radio France Asie. En effet, ce poste radiophonique était le plus important de la France dans le monde et sa fermeture nous avait apporté à tous beaucoup de regrets. J'ai la chance de retrouver Saïgon et de retrouver également les studios de Radio France Asie et de recevoir dans ces studios Albert Guillaume et René Laporte qui vont nous apporter certaines précisions sur l'existence actuelle de ce poste. En effet, depuis le 15 avril, le gouvernement vietnamien a permis que 2 heures d'émission soient données chaque soir sur ses antennes. Comment se passent ces 2 heures d'émission, Albert Guillaume ? Eh bien, nous commençons régulièrement par un quart d'heure de parler, c'est-à-dire d'information au sens le plus général du mot, ce qui porte sur l'activité technique, l'activité artistique, littéraire. Et vous présentez 2 heures d'émission qui sont une somme de variétés, de Oui, nous présentons 2 heures d'émission avec nos ressources locales et également avec le concours apprécié de la radiodiffusion française. Ces 2 heures d'émission actuelles sont très écoutées ? Elles sont très écoutées et de plus en plus écoutées, parce que vous savez que lorsque nous avons fermé nos portes, nous avons reçu énormément de témoignages de la part des auditeurs de langue française du monde entier, que ce soit des Chinois, des Vietnamiens ou des Français. Il y avait combien d'auditeurs chinois ? Il y avait 7 ou 8 millions d'auditeurs chinois répartis à travers le monde. Ce qui est incroyable. Et le poste de Radio France Asie émettait en 5 langues ce que personne ne savait. En chinois, c'est-à-dire en mandarin et en cantonais, en vietnamien évidemment, en français et en anglais. Jacques Chancel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce premier volet de notre série consacrée à l'histoire du Vietnam et de l'Indochine, alors que s'ouvre cette année du Vietnam, donc en France. Vous venez tout juste de publier un livre, un récit, qui s'intitule « La nuit attendra », un des nombreux récits que vous avez pu faire de vos expériences, de votre vie. Mais là, vous revenez sur un épisode assez méconnu, même si vous en avez parlé ici et là, assez méconnu de votre vie, c'est-à-dire vos débuts, non pas de fils de Bigorre, ce que vous avez déjà raconté ailleurs, mais du départ justement de cette Bigorre pour ce pays, l'Indochine, que vous découvrez à 18 ans. Qu'est-ce qui vous prend à 18 ans de partir là-bas ? Je crois que c'est le goût des ailleurs, c'est l'envie vraiment de découvrir, et puis peut-être aussi d'aimer encore un peu plus ma Bigorre, mes Pyrénées, parce qu'on ne peut aimer un pays que si on sait le comparer. Donc il fallait que j'aille un peu plus loin. Et lorsque j'ai écrit « La nuit attendra », vous savez que j'ai attendu 60 ans pour l'écrire, ouais. Car je gardais cet épisode totalement secret. Peut-être parce que, ayant été blessé là-bas, j'avais répondu de cette manière à quelqu'un qui me disait « Pourquoi as-tu tellement attendu ?» Je crois que j'ai attendu parce que j'avais honte. dans la Jeep qui nous conduisait à une attaque particulière. Les trois personnes qui étaient avec moi sont mortes et j'étais vivant. Alors, comme à tout le monde, on me demande d'écrire mes mémoires. Ce que je dis de la presse, de la radio, de la télévision, je le dis dans mes journaux. Hein, j'en suis au 18e volume de mon journal. Je ne veux pas écrire mes mémoires, mais ça a été une chance de pouvoir écrire les 24 premières années de ma vie, qui sont peut-être le fondement de toute une existence. Alors, vous partez donc pour ce goût de l'ailleurs, vous le dites, Jacques Chancel. Pourquoi partez-vous avec l'armée? Qu'est-ce qui vous pousse à faire cette école de transmission de Montargis? Qui vous conduira par l'intermédiaire du passage à 7 et puis ensuite un voyage de 55 jours du côté de Saïgon? C'était la seule manière pour moi de partir. C'était de partir dans une école qui était une école normale, où on pouvait continuer ses études et où, dans le même temps, je faisais mon service militaire. Donc, j'ai choisi, par le biais d'un de mes oncles, bizarrement, qui avait été inspecteur général des forêts d'Indochine et qui me faisait vivre l'Indochine depuis mon enfance, quoi. Et en plus, ma marraine, la sœur de ma mère, était proviseur du lycée Chasseloup-Loba à Saïgon. Absolument. Donc, j'étais déjà dans ce bain-là. Et j'ai eu envie, vraiment, de faire une école. Donc, j'ai fait l'école des transmissions de Montargis. Vous imaginez, les transmissions, c'était déjà un départ pour ce que je ferai après. Mais la vérité, pour moi, c'était un échec parce que je voulais préparer normale supérieure. C'était pour moi vraiment l'école des écoles. Et puis, j'avais envie aussi de faire santé navale parce que dans santé, il y avait le médecin et j'ai une admiration folle pour les médecins. Et il y avait le côté naval, c'est-à-dire je me promenais à travers le monde. Et puis voilà, j'ai atterri à l'école des transmissions. L'école des transmissions m'a envoyé en Indochine, il me restait 6 mois de service militaire à faire. Puis voilà, c'est, je crois, le hasard qui aura contrôlé toute ma vie. Alors, un hasard tout de même qui vous fait retrouver sur place un ami de la famille, quelqu'un qui, justement, qui était très proche. Oui, William Bazet. Voilà, qui était très proche de votre oncle, donc qu'il aimait beaucoup et qui, d'une certaine façon, vous employez ce terme, sera votre protecteur dans ce pays que vous ne connaissez pas. Vous avez 18 ans quand vous y arrivez. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'avoir près de moi un homme comme celui-là, qui était en plus le président des Eurasiens. Vous savez que là-bas, le grand problème, c'était les Eurasiens, c'est-à-dire ces militaires qui rencontraient des Vietnamiennes et qui ensuite se trouvaient dans l'obligation de partir et laisser les enfants. Enfin, c'était d'ailleurs, depuis très longtemps, vraiment le sort de beaucoup d'Occidentaux et de Vietnamiennes, presque jusqu'au début du siècle. Donc je me retrouve avec un homme d'une grande importance, l'un des personnages les plus importants, je crois, de l'Indochine, qui avait des plantations de caoutchouc, les plantations de sonlog. Pour vous donner un exemple, à l'époque, il avait une centaine d'éléphants, à la fois de chasse et de travail. Et je me suis retrouvé chez moi, parce que leur fille avait choisi d'aller faire ses études en France, et j'avais pris son appartement. Et dans l'appartement, il y avait 2 gibbons, un blanc et un noir. C'est les plus beaux singes du monde, parce que ils sont d'abord beaux, ils sont d'une propreté exemplaire. Lorsqu'on se promène, on peut leur donner la main parce qu'ils marchent sur leurs 2 pas d'arrière. C'est formidable. Donc, il m'a ouvert toutes les portes. Surtout, j'ai eu la chance de rencontrer Bao Dai et l'impératrice Nanfuang. Bao Dai pour considérer que c'était un fantoche et l'impératrice Nanfuang pour remarquer qu'elle était une femme tout à fait exceptionnelle. Alors, vous arrivez à 18 ans, je l'ai dit, à Saïgon, dans un Saïgon en 1948, qui est quand même particulièrement bouleversé par des attaques régulières du Viet Minh. On a l'impression que c'est un peu un camp, en vous lisant dans La Nuit attendra, un peu un camp retranché. Évidemment, vous allez de lieu en lieu puisque vous sortez de Saïgon, mais qu'il y a là une sorte de vie un peu sous cloche, avec de temps en temps des saillies, des sorties justement de ces militaires communistes qui viennent attaquer les Français sur place. D'abord, je me suis partagé entre la légèreté et la douleur. Parce que c'est vrai que Saïgon, c'est une atmosphère de fête. Et en même temps, lorsqu'il y avait un grand bal, on entendait les balles siffler à 1 kilomètre et le canon tonner. Donc, c'était très particulier. Et moi, je dis souvent que nous étions parfaitement inconscients de vivre de cette manière. Il y avait des attaques sans arrêt. L'hôtel Majestic était visé, ensuite le cinéma Majestic, on avait placé des bombes. Et puis, il y avait des morts. Et immédiatement après, 10 minutes après, la vie recommençait. C'est inouï, ces atmosphères de fête et de fièvre. Je crois que ça mérite un grand film qui ne sera jamais écrit. Parce que les films ont été faits... Bon, Pierre Chandaffaire a fait le meilleur entre la 317e section, la section Anderson. Mais la vie, peut-être varnie avec Indochine, Mais autrement, cette vie n'a jamais été vraiment racontée. Et moi, ce qui m'a amusé dans La Nuit attendra, dans mon livre, c'est de me replonger dans cette atmosphère tout à fait particulière. L'hôtel Continental, où nous étions tous les correspondants de guerre, c'était vraiment un milieu particulier, parce que s'y côtoyaient les plus grands responsables, parfois les généraux Viet Minh, c'est-à-dire les ennemis, la mafia, les honnêtes gens et les mafieux. Mais c'est extraordinaire de vivre ça. Et moi, j'étais heureux, comme Baudard l'a écrit un jour, avec Jacques, il fallait s'attendre à tout. Il fréquentait les honnêtes gens et les salauds. Au tout départ, quand vous arrivez, on vous emmène assez vite dans une fumerie d'opium. Et d'ailleurs, Lucien Baudard, que vous venez d'évoquer, qui était le grand reporter de François sur place, vous reprochera de fréquenter trop ces fumeries d'opium. Il m'a toujours tout reproché. Voilà. Parce qu'il se considérait comme mon père. Il disait, tu es mon fils, ne déconne pas. Non, la fumerie, je l'ai amené d'ailleurs dans une fumerie. C'était pour voir l'ambiance, et l'ambiance était formidable. Il y avait des tissus de brocart, il y avait des filles sublimes qui venaient de Hong Kong, qui préparaient les pipes. Et les gens qui disent « j'ai eu une aventure avec une de ces dames » sont des menteurs. Parce que comme les geishas, ces femmes-là faisaient un travail. Alors, donnez-nous une sorte de géographie. C'est ce qu'on découvre en vous lisant dans La Nuit attendra, Jacques Chancel, une géographie de ce Saïgon que vous connaissez, qui est un Saïgon totalement disparu aujourd'hui. Il y a des noms, il y a des noms de cafés, des noms de restaurants que vous citez, qui permettent aussi de se promener. Si on part évidemment de ce qui est le plus connu, la rue Katina. Avec l'hôtel Continental. Avec l'hôtel Continental, donc le lieu de rencontre de tout le monde, pourrait-on dire, à Saïgon. On va où? On va alors. Mais en face, il y a Givral. Et Givral, c'était très important parce qu'on y prenait du lait et des pâtisseries. Et à côté, il y avait le théâtre. Et alors, bizarrement, le théâtre, qui était presque collé au Continental, très beau théâtre. Lorsque j'ai quitté l'Indochine en 1955, lorsque j'ai quitté Saïgon, on jouait au théâtre les quatre saisons de Vivaldi. Et là, récemment, lorsque je suis revenu, il y a deux ans, pour le film Empreinte, que jouait-on? Les quatre saisons de Vivaldi. Et ça m'amusait beaucoup. Mais je n'ai pas retrouvé le Saïgon vraiment de mon adolescence, ni le Cholon de mon adolescence. On a toujours dit Macao, l'enfer du jeu. C'était pas Macao, l'enfer du jeu. C'était Cholon. Cholon, c'était l'arc-en-ciel, par exemple. C'était l'arc-en-ciel, c'était tout. C'était le casino où 200 000 personnes, le grand monde. C'est surtout le grand monde. Le grand monde. Alors expliquez-nous le grand monde, parce que vous le décrivez très bien dans La Nuit attendra. Et c'est un lieu particulier, puisqu'il est le siège de Bai Vien, oui, donc le chef d'une secte, les Bin Suyen, qui vont jouer un rôle très important, parce que pendant la guerre, il va y avoir une bagarre entre le gouvernement légal du Vietnam et puis cette secte qui peut mobiliser, dit Bai Vien, il vous dit, je peux mobiliser 4000 personnes pour pouvoir faire la guerre. Mais il n'était pas le seul, parce qu'il y avait toutes les communautés, toutes les sectes. Vous aviez Bai Vien, qui était le plus assassin de tous, car je crois qu'on peut compter sur des milliers de morts de sa main. Il était à un certain moment le maître du grand monde, où 200 000 personnes jouaient en même temps. Où il y avait 200 000 personnes, parce que c'était vaste, mais ça n'en pouvait plus, c'était n'importe quoi. Et puis vous aviez à côté un cabaret qui pouvait accueillir 2000 personnes, où jouait Guy Paquinet, qui était le plus grand tromboniste français de l'époque, et un orchestre de 25 musiciens, plus un autre orchestre philippin de 30 musiciens. Mais c'était formidable, cette ambiance. Et tout le monde allait là. Alors les militaires, il y avait beaucoup de militaires qui traînaient la nuit dans ces endroits. Une amie, un jour, me dit, mais c'est quand même insensé. Regarde ces militaires, regarde comme ils s'amusent alors que nous sommes en guerre. Et je dis, oui, parce que tu les vois là ce soir. Mais demain matin, ils partent en opération. Et peut-être que demain, ils seront morts. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à beaucoup de vos camarades de Montargis qui sont venus à Saïgon avec vous et qui vont mourir ou être grièvement blessés parce qu'ils partent en opération. Mais vous parlez de Bai Vien, ça, c'est un personnage. C'est un personnage de cinéma. Parce qu'il habitait d'abord dans un camp retranché. Et j'avais un ami, Dick Siris, qui était de Life. Dick Siris avait écrit un très mauvais papier sur lui. Et j'allais visiter Bai Vien. J'étais celui qu'il connaissait le mieux. J'avais amené Baudard, d'ailleurs, avec moi. Et Bai Vien, on se promène. Et puis, tout d'un coup, il est avec Dick Siris. Et il a un mouvement étrange. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, j'ai eu envie de le précipiter dans la rivière. Et je lui dis, il aurait pris un bain. Oui, mais il me dit, c'est infesté de crocodiles. Et il avait tout un zoo. Il avait des panthères, des tigres, des éléphants, dans ce camp retranché, avec des vieilles voitures, c'était des deux chevaux à l'époque, je ne sais pas quoi, qui étaient vraiment faites comme des automitrailleuses. Non, mais c'était un monde totalement à part. Lorsqu'on en parle, on croit rêver. Parce qu'on se dit, ça ne peut pas exister, ça. Et c'est d'ailleurs l'impression qu'on a quand on vous lit dans La Nuit attendra, Jacques Chancel, parce que vous écrivez donc le chalet avec le cabaret. Le chalet donc, était un très bel endroit. De l'orchestre d'Alex Catourégli, oui, par exemple. Très grand trompettiste. Voilà. Vous y décrivez le grand monde, on vient d'en parler, mais vous décrivez aussi le parc aux buffles, par exemple. C'était terrible, ça. Il faut le préciser, c'était le BMC, c'était le bordel militaire de campagne, où des milliers de soldats venaient apprivoiser un peu leur côté sexuel. Et il y avait je ne sais plus combien de femmes, peut-être un millier, 2000 femmes, je ne sais plus combien. Et ce qu'on découvre aussi, c'est une société qui n'est pas unie, pas simplement parce que ces sectes se font la guerre régulièrement pour des parcelles de territoire ou pour récupérer un peu plus d'argent, mais cette société n'est pas unie même chez les Européens. Vous décrivez par exemple la bagarre qu'il peut y avoir entre ceux de la boule gauloise et ceux du cercle sportif. Expliquez-nous en quoi cette société était clivée, tenait sur des rapports très particuliers, Jacques Chancel. Vous savez, là-bas, le cercle sportif, c'était vraiment le cercle du prestige, c'est-à-dire tous les grands personnages, les riches, même les Vietnamiens qui étaient des mandarins souvent, participaient dans un lieu qui était magnifique, parce qu'il y avait une piscine olympique, parce qu'il y avait des tennis, et la boule gauloise s'était réservée plutôt, comme on le disait nous, avec Baudelaire, aux adjudants-chefs. On n'aimait pas les adjudants-chefs, on disait « c'est pour eux, la boule gauloise ». Et là, il y avait les Bretons, il y avait les Corses, mais c'était vraiment deux situations opposées. Je crois que c'est. On était de l'un ou de l'autre. Oui, on était de l'un. On ne pouvait. Nous, on y allait. Moi, j'allais à la boule gauloise et je faisais partie du cercle sportif. Mais j'allais à la boule gauloise. C'est là que nous apprenions vraiment des nouvelles, parce que notre travail, c'était de nous informer, de savoir. Pardon, mais j'ai une voix qui est un peu déchiré. Hein. Alors, si on continue cette promenade avec vous dans Saïgon, on s'aperçoit que quand vous y arrivez, vous êtes donc un jeune homme militaire à Montargis, protégé donc par ce William Bazet qui est ami de votre famille, mais que très rapidement, on va vous proposer des choses, parce que tout compte fait, c'est un peu un désordre de volonté, ce Saïgon de l'époque. Il n'y a pas tant de personnes sous la main. Mmh. Et quand vous arrivez, on vous dit, mais pourquoi pas faire de la radio, par exemple, venir à Radio France Asie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Jacques Chancel? Ah, il faudrait que j'avais un passé, déjà. C'est-à-dire que lorsqu'on a pris le bateau qui s'appelait le Sentai à Sète, nous sommes restés à Sète pendant un mois. Et nous avions un petit orchestre, mais vraiment de très grande qualité, hein. Le pianiste aurait pu jouer avec n'importe qui. Moi, je jouais à la contrebasse, j'étais le plus mauvais. Mais enfin, l'ensemble avait de la gueule. Ensuite, pendant les 55 jours de traversée, nous avons donné des concerts, je disais des poèmes. Donc, tout ça était devenu connu. Donc, lorsque je suis arrivé là-bas, ma première visite, c'était à Canoë. On est venu me chercher parce que j'avais joué dans un orchestre, parce que je chantais mal, mais je chantais bien, parce que je disais des poèmes. Alors on a dit, ce type-là pourrait peut-être faire de la radio. On m'a essayé, ça a tout de suite été positif. Et j'ai découvert là une dame qui m'attendait, qui s'appelait Marina Secaldi. Et on a fait une émission qui s'appelait Jacques et Marina, qui était la chose la plus banale du monde, puisqu'on diffusait des disques. C'était le disque des auditeurs. Le disque des auditeurs, mais qui s'adressait aux soldats, qui s'adressait vraiment aux militaires dans les postes. Il y avait des gens, il y avait des sergents, des adjudants qui étaient dans des collines avec 100 supplétifs complètement abandonnés. J'ai été celui qui faisait comme ça murmurer la radio. Et forcément, lorsqu'on a une émission conditionnée comme celle-là, on devient vite célèbre. Donc on m'a confié une autre émission qui s'appelait Récréation et qui était peut-être, je ne sais pas, je ne le savais pas à l'époque, vraiment prémonitoire. Car elle c'était un mélange de variété, d'informations et de variété. De tout, j'avais fait venir Joséphine Baker, Roger Nicolas, Yvette Giraud, enfin, des grands de l'époque. Et on faisait ça au Majestic, qui était un endroit tout à fait exceptionnel, qui appartenait d'ailleurs à Mathieu Franchini, Franchini étant le propriétaire du Continental et du Majestic. Mmh. C'était sur le bord de la rivière de Saïgon. Et là, on avait une vie radiophonique extraordinaire, parce qu'il ne faut pas oublier. Radio France Asie était donc la radio-division française. Il y avait deux grands postes, c'était Radio Brazzaville et Radio France Asie. À Radio France Asie, nous avions trois langues, le français, le chinois, le mandarin et le vietnamien. Et on avait 15 à 20 millions d'auditeurs. Donc c'était une référence, c'est un point de vue d'importance. Et en plus, moi, ça me permettait de faire aimer Fassweiler, tous les grands musiciens, Johnny Hodge, Don Byas, tous les grands musiciens de l'époque. Et de faire aimer aussi les chanteurs de variété. Et puis même un peu de littérature, parce que j'envoyais des souffles comme ça pour dire si vous aviez l'occasion de lire ce livre. Voilà. L'ambiance justement de ceux que vous qui vous accueillent quand vous arrivez sur place. Vous arrivez en 1948, très rapidement dès 1949, vous avez beaucoup de responsabilités, vous êtes un très jeune homme, mais néanmoins on vous donne très actif, on vous propose beaucoup de choses, etc. Quelle est l'ambiance? Qu'est-ce qu'ils disent sur la situation? Comment voient-ils ce qui est en train de se passer? Ce que vous retranscrivez dans La Nuit attendra, c'est une sorte de désespérance, on dirait en grec kaimos, ou on dirait une sorte de fado, pourrait-on dire, saudade de ces gens sur place. Oui. Une sorte de nostalgie. Mais je vais vous dire, c'était une joie qui, à la fin, à la vérité, était une souffrance. Car les gens savaient que ça n'irait pas plus loin. Ils savaient que c'était une guerre perdue. Et on continuait de la vivre parce que dans toute aventure, il y a une espoir, une petite lumière. Moi, j'étais très jeune, mais je parlais beaucoup avec mes grands, comme Lucien Baudard, Jean Hougron, Jean Lartigui, Max Clos, qui avait véritablement l'expérience que je n'avais pas. Plus, je voyageais dans toute la Lochine. Lorsque, par exemple, il y a eu la bataille de Dien Bien Phu, j'étais allé avant. J'ai eu une chance extraordinaire. Je suis allé là-bas en reportage, avant l'attaque, et j'ai vu, moi qui ne suis pas un stratège, j'ai vu que c'était une cuvette, que c'était un enfer. Car je voyais sur les collines des milliers de coulis qui étaient avec leur vélo, et que portaient-ils sur leur vélo? Des armes qu'ils allaient remonter sur place. Mais ça, on le savait. Je ne comprends pas comment un homme comme le général Navarre a pu laisser aller vraiment tant de soldats dans l'enfer et dans le massacre. Donc, je connaissais bien ce pays. Et l'ambiance était celle-là. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'était une ambiance fabuleuse de légèreté et en même temps pleine de questions. Oui, parce que lorsque vous partez, vous n'allez pas entrer dans l'armée d'active en Indochine, mais la plupart de vos camarades de l'école de Montargis, qui des transmissions, là où vous avez été formés, vont partir dans cette armée. Et ce que vous racontez, c'est que les uns après les autres, vous les voyez soit tomber, soit blessés, et qu'on vous apprend soit leur mort, soit d'aller les voir rapidement à l'hôpital. Vous savez, c'est une génération sacrifiée. C'est celle de mes 20 ans. Moi, ma mémoire de ce côté-là est un grand cimetière. Tous les amis que j'avais, très très proches, mais ils sont restés là-bas. Là, vous avez une photo de Georges Koval, qui était le plus grand caméraman. D'ailleurs, le cinéma des armées, le ministère des armées, là-haut, porte son nom. C'est lui, il est mort, pas loin de moi, et il a été remplacé ensuite par Pierre Chandlerfer. Tous ces gens-là ont été extraordinaires, parce qu'ils avaient l'envie de vivre, l'envie de se dépasser. Beaucoup partaient pour combattre le communisme, d'autres partaient pour vivre l'aventure, mais tous avaient une noblesse de sentiment. Alors ça, c'est très fort, parce que vous revenez plusieurs fois dans cette discussion que vous avez, ces discussions multiples avec vos interlocuteurs, dont vous vous souvenez dans La Nuit attendra, Jacques Chancel. Vous revenez souvent sur ces discussions sur le communisme. Vous entendez beaucoup, vous dites, moi je n'en étais pas, mais vous entendez beaucoup de propos extrêmement virulents sur les rouges, qu'il faut absolument empêcher de mener à bien leur conquête du Vietnam. Mais c'était un grand combat, parce qu'on sortait du stalinisme. Et tous ces gens-là rêvait d'un monde qui n'était pas le nôtre. Mais dans le même temps, on en parlait beaucoup avec Chandlerfer, si nous avions été vietnamiens, on aurait fait partie des troupes viet, avec Ho Chi Minh et le général Giap, parce que c'était un combat de nationalistes. Ils luttaient pour leur indépendance. D'ailleurs, moi, on me fait rigoler, ce que me dit Ho Chi Minh, Giap, communistes, pas du tout. Ils ont profité vraiment du communisme pour lancer leur combat. Mais ils n'étaient pas plus communistes que moi, je suis archevêque. Alors, il y avait Jacques Chancel dans ce Saïgon que vous connaissez à ce moment-là. Il y avait donc ces bordels, vous en avez parlé, ces grands restaurants, ces clubs, ces fumeries. Et ces sectes, vous en avez dit un mot, il faut peut-être y revenir, parce qu'on n'imagine pas la multiplicité de ces tendances religieuses. Parce qu'il y a une tendance au syncrétisme dans cette région du monde qui fait que, par exemple, une religion peu connue, comme la religion caodaïste, s'y est développée en prenant et Victor Hugo et Pasteur comme saints de leur église. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette religion caodaïste et comment vous l'avez croisée vous-même ? D'abord, il y a toutes les sectes. Nous avons parlé tout à l'heure de Bayenne et des Binsouyennes. Ensuite, il y a eu les milices chrétiennes du colonel Leroy. Et ils étaient quelques milliers et ils étaient assez fanatiques. Ah oui, mais c'était inouï de voir ça. Et puis, puisque vous parlez des caodaïstes, ils étaient à Tainin, à presque la frontière du Cambodge. Tainin, c'est le Vatican pour eux. Là aussi, ils sont des milliers. Le mouvement avait été inventé par Frank Contact, que j'ai bien connu. Et d'ailleurs, lorsque je suis revenu il y a 2 ans en Indochine, on est tombé en pleine cérémonie. Il y avait, dans la grande cathédrale de Tainin, il y avait à peu près 1 millier de personnes en blanc. Devant cette foule, il y avait des archevêques et des évêques. Et ils psalmodiaient. Et dans le même temps, ils avaient des gestes. On aurait dit un ballet. Je me suis cru à l'opéra. Non, ces sectes ont été extraordinaires. D'ailleurs, Ziem a mené le combat pour les supprimer. Ngô-Dinh Ziem, qui était donc celui qui récupère, pourrait-on dire, le Vietnam du Sud une fois la défaite française consommée. Ngô-Dinh Ziem va se bagarrer effectivement contre ces sectes. Et qui avait une sœur, Madame Nguyễn, qui était un épouvantail, vraiment. Et il y a eu cette bagarre extraordinaire avec des milliers de morts, parce que ça attaquait de tous les côtés, alors que véritablement, on sortait d'un autre enfer. Non, c'est un pays, aujourd'hui, je suis content de voir comment il est. J'aime les Vietnamiens. Aujourd'hui, ils sont 85 millions. Saigon, que nous avons connu, je ne sais pas, il devait y avoir 1,5 million, il y a 8 800 000 habitants aujourd'hui. Non, c'est le monde que j'ai connu a disparu. Par exemple, Cholon, où je suis allé, je n'ai rien retrouvé. Parce qu'autrefois, c'était tout ce que vous avez raconté tout à l'heure, c'est-à-dire le grand monde, l'arc-en-ciel, tous ces cabarets et les jeux. Et ensuite, il y avait un bruit tout à fait particulier. C'était le bruit des jetons, le mahjong, qui était un jeu. Or, vous appuyez sur des boutons. Donc, c'était une rumeur qui enveloppait toute la ville. Je n'ai plus retrouvé ça. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés à Cholon, j'ai essayé d'entendre, j'ai essayé de voir, et j'ai dit tout de suite, on revient à Saigon, il n'y a rien à voir. C'est d'ailleurs très étonnant, parce que quand on vous lit, on pense parfois à ces séquences coupées qui ont été rétablies dans le montage final d'Apocalypse Now, vous savez, où on voit Aurore Clément et d'autres qui sont attablés, les soldats américains remontent le fleuve et tombent sur une sorte de plantation où restent encore quelques colons après la défaite française. Et on a cette impression, c'est-à-dire on a l'impression que vous ouvrez un peu comme on a découvert il y a peu de temps un appartement qui n'avait pas été rouvert depuis 1942 en France, à Paris. Vous ouvrez une sorte de boîte, on sent la poussière et on sent d'un seul coup qu'il y a quelque chose de totalement disparu, Jacques Chancel. Totalement disparu, et dans le même temps, un homme comme William Bazet, mon protecteur, a essayé de continuer. Sa plantation de soins Locke, il l'a tenue longtemps. Certains ont cru pouvoir conserver. Or, il n'y avait plus rien à conserver. On était passé d'une civilisation à une autre. Moi, j'ai eu 2 copains qui étaient formidables. L'un avait été reçu à Normal Sup, d'ailleurs. Ils étaient tous les 2 fils de mandarins. Ils étaient dans les familles, donc, disons, de droite, qui étaient apparentés aux Français. Et un jour, ces deux, à des moments différents, m'ont appelé chez Givral, l'endroit où on prenait le lait, et m'ont dit, voilà, tu as été notre ami, tu resteras notre ami, mais on choisit un autre camp, on rejoint les Viettes. Et ils ont rejoint les armées Viettes. D'ailleurs, l'un d'entre eux est devenu, parce qu'il était très intelligent, est devenu général. Et c'est lui qui est arrivé à Saigon à un moment avec les troupes. Et ensuite, bizarrerie vraiment du monde, j'ai été demandé un jour, lorsqu'on était à Antenne 2, avenue Montaigne, par quelqu'un qui était dans le hall et qui voulait me voir. Et c'était lui. Il avait été Bot People par la suite. Alors, quand on vous lit et qu'on avance dans la lecture de votre livre, on s'aperçoit que vous êtes à la fois donc un homme de distraction, vous l'avez dit. Le disque du soldat, c'est pour distraire les soldats sur Radio France Asie, 2 heures dans l'après-midi avec Marina Secaldi. Que vous allez très rapidement aller faire des émissions donc, qui mélangent l'information et le divertissement comme récréation. Vous avez évoqué l'arrivée de Joséphine Baker. Et aussi qu'on va vous demander d'aller faire du reportage. Et alors ça, c'est assez étonnant. Vous partez avec une mallette, une valise dans laquelle il y a des disques souples. Oui. Et vous allez enregistrer des soldats français pour ramener leur témoignage. Que vous disent-ils, ces soldats français, quand vous allez les voir? Ils vous disent qu'ils sont désespérés. Quand vous voyez un commandant de promotion qui s'appelait Xavier Durfort, qu'est-ce qu'il vous dit, par exemple? Bon, je vais vous dire, ce sont des cas désespérés. Ils étaient sur des collines, entourés de viettes, derrière des bambous. Il y avait une centaine de supplétifs vietnamiens. Et là, il y avait des sergents, des adjudants, de jeunes lieutenants qui, vraiment, étaient dans l'obligation de diriger ces hommes qui ne parlaient pas la même langue et qui se faisaient véritablement agresser chaque nuit. Ces hommes-là, je les ai aimés et la plupart sont morts parce que les attaques étaient tellement permanentes qu'un beau jour, quand même, les Viet finissaient par les avoir. Et ceux-là restent véritablement dans mon cœur car c'était les vrais sacrifiés de cette guerre. Moi, cette guerre m'aura appris une chose, surtout Dien Bien Phu. C'est que je n'ai jamais plus fait confiance de ma vie aux politiques et que je méfie des hauts commandements, ce que nous appelions les généraux de l'arrière. Alors, vous avez croisé ce Xavier Dufort qui va mourir, qui vous dit « nous sommes encerclés par l'ennemi et abandonnés des nôtres ». Ça, c'est une impression particulière, parce que quand on est convaincu, patriote, comme vous l'étiez vous-même, Jacques Chancel, quand vous arrivez en Indochine, ça doit être dur d'entendre dire que un soldat français dit qu'il est abandonné des siens. Moi, il y en a beaucoup qui le disaient. Beaucoup, beaucoup, mais parce que c'était vrai. Ils ne pouvaient pas dire autrement. Vous imaginez ce que c'est? Un bonhomme installé sur une colline avec une centaine de supplétifs, parfois 50, parfois 200, et qui est abandonné, qui ne reçoit aucune nouvelle. Les seules nouvelles qu'ils avaient, c'était de moi, enfin de Marina et de moi, c'est-à-dire le disque du soldat qu'ils pouvaient écouter. Autrement, il n'y avait pas d'autre relation avec le monde. L'un d'entre eux, qui a d'ailleurs été tué, dont je ne parle pas, est resté 2 ans sur cette colline, jusqu'au moment où il a été sacrifié. Non, c'était vraiment très particulier, cette guerre. Alors, on vous dit aussi, par exemple, à Khan Hoi, là où vous arrivez, qui est ce camp retranché à quelques dizaines de kilomètres de Saïgon, on vous dit c'est une prison promise au désastre. Oui, mais elle était promise au désastre. C'était entouré de barrières de bambou, comme dans la plupart des concentrations militaires de l'époque, en région, en province. Et c'était dans la boue des rizières, parce que les rizières étaient toutes proches. C'était attaqué, on était attaqué tous les soirs, peut-être de loin, sauf un soir où les Viet sont entrés, mais ils ont été balayés très très vite. Donc on prenait véritablement l'aventure de la guerre au premier plan. Je me suis trouvé mêlé à des combats que je n'avais pas prévus. Et puis à partir de ce moment-là, on prend véritablement l'envie de se retirer un tout petit peu dans une sorte de réflexion. Et c'est terrible de devoir réfléchir à ce point lorsqu'on a 20 ans. Oui, c'est curieux parce que on pense au contraire qu'un tel moment est un moment où on doit s'engager. Parce que tout compte fait, il faut choisir son camp. Vous parliez de ses amis. Oui, mais beaucoup de gens autour de vous s'engagent. Oui, tous. Ils veulent bouffer du rouge pour les uns. Les autres veulent... Ça, je trouvais ça stupide. Voilà. Veulent obtenir leur indépendance. Donc, ils veulent vraiment se bagarrer pour l'avoir. Et vous, vous dites, je navigue au milieu de tout ça, un peu comme Fabrice à Waterloo. Vous regardez les choses et vous... Oui. Non, parce que jamais je n'ai voulu bouffer du Viet. Jamais. En revanche, j'ai souhaité que ce pays retrouve son indépendance. Dans le même temps, il y avait ce côté de la pression communiste qu'il fallait à tout prix arrêter parce qu'on avait les 60 millions de morts de Staline. Il ne fallait pas abuser quand même. Mais j'étais différent de beaucoup d'autres. Mais dans le même temps, il y en a beaucoup qui étaient comme moi. C'est-à-dire, ils avaient plutôt le goût de l'aventure, le goût de se frotter aux autres, de savoir ce qu'était que la différence. Moi, je n'ai jamais eu, comme vous dites, de parti pris. J'ai essayé de voir comment se présentaient les choses. Et ce que serait cette guerre? Et j'ai su, dès le départ, que ce serait une tragédie, que ce serait un anéantissement. Parce qu'on le sentait. Les Viet étaient accompagnés par tout le monde dans tous les villages. Mais il devait y avoir de l'excitation. Vous vous décrivez en jeune homme pressé aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement le désespoir. Il y avait la volonté d'en faire toujours plus, d'être toujours à divers endroits du pays, de courir tout le temps, etc. Moi, j'ai tout fait. J'étais boulimique. J'ai vraiment travaillé dans la plus grande légèreté. Et dans le même temps, je savais qu'il y avait la guerre. Mais la guerre, on ne l'entendait plus. Et c'est ça qui est effroyable. La guerre faisait partie véritablement de notre univers familial. Moi, j'ai vécu cette époque qui a été pour moi comme un enseignement. Et je crois pouvoir dire, même si je pense à ma blessure lorsque j'ai sauté sur une mine, parce que j'étais quand même aveugle pendant un an, que tout ça est peut-être une chance dans mon existence. Car ça m'a donné à voir d'autres horizons et à comprendre beaucoup de choses. Alors venons-en à ce moment-là. Vous êtes un peu fanfaron, vous courez partout, tout le monde vous donne des alertes, vous dit surtout Jacques, ne fais pas ce que tu fais, vous ne faites pas très attention à ces avertissements-là. Vous foncez et donc votre Jeep saute sur une mine. Et oui, ça c'est le grand carrefour de ma vie. C'était une opération qui avait été menée par le capitaine de Prestal. Je crois qu'on peut considérer que c'était une bavure, parce qu'il attaquait les Viettes avec 200 ou 300 hommes, et il y avait en face deux régiments. Et le haut commandement n'avait pas été prévenu. Donc le capitaine de Prestal aurait eu de gros ennuis s'il n'avait pas été tué dans cette aventure. Moi, je n'ai qu'un souvenir, c'est que nous roulons, puis je vois un pont en dos d'âne, c'est le pont de Canoë, et là, un souffle, et puis plus rien. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. On m'a caché longtemps la mort des trois autres, et moi, on m'a caché longtemps le problème que j'avais avec mes yeux. D'ailleurs, les médecins m'ont dit, on ne pouvait pas vous le dire tout de suite, parce qu'on attendait de voir. C'est au bout de 2 mois qu'on m'a dit que j'étais aveugle. Donc là, je me suis armé pour une vie totalement différente. J'ai pris le parti véritablement de la subir, cette vie. Bon, dans le premier mois, vous vous dites, je vais me suicider, mais le suicide est fait pour moi quelque chose de très romanesque, de la même manière qu'une aventure festive. Et puis après, ça vous quitte, après on vous arme d'une canne blanche, et on finit par prendre une habitude. C'est pour ça que tous les handicaps sont possibles à vivre, même les pires. Et là, je suis resté 10 mois, et puis après, pendant 2 mois, j'ai été envoyé à Dalat. Dalat, qui était une station climatique. Oui, formidable, à 1500 mètres. Qui était une beauté avec un lac. Et près de ce lac, j'ai entendu pour la première fois la musique d'Anton Karas, le troisième homme. Vous savez, c'est des choses qui marquent comme ça. Puis là, petit à petit, j'ai recouvré ma vue et c'est venu d'une nuit. Et c'était dangereux parce que toutes les nuits, je rêvais d'autres vies, je m'inventais des mondes. Donc je voyais énormément de choses dans la nuit. Et lorsque j'ai cru voir un soleil à Dalat, lorsque je me suis réveillé, j'ai pensé que c'était encore le rêve. Et ça n'était plus le rêve. La vue commençait à revenir. Ce sont des moments vraiment tout à fait extraordinaires que peut-être j'aurais dû raconter mieux. D'ailleurs, dans mon journal, le prochain qui va paraître au printemps de cette année, 2014, je raconte un peu ça. On me fait le reproche de ne pas avoir raconté ce qui était au fond de mon âme. Et là, je tente de le raconter, mais avec 60 ans de retard. Vous avez tenu des carnets pendant cette période-là ? Oui, vous aviez je ne veux pas les voir. Des notes ? Je ne veux pas les voir. Le livre, je l'ai écrit en 1 mois et 10 jours, sans l'appui d'une seule note, alors que j'ai des centaines de carnets, puisque je tiens mon journal. Des centaines de carnets, seulement au fil de ma mémoire. Ces noms-là me revenaient facilement. Mais pourquoi justement avoir cette méfiance ? C'est parce que vous croyez que vos souvenirs ne correspondraient pas peut-être à ce que vous aviez écrit à l'époque ? Parce que c'est intéressant ce miroir. J'aurais voulu raconter trop de choses et faire confiance à mes carnets, raconter, parce que c'est fou ce que je raconte dans mes carnets. Peut-être qu'un jour, il faudra les publier, quoique je l'interdis. Mais, et pourquoi vous l'interdisez ? Mais non, parce que vraiment tout ça, c'est... J'ai tout dit dans la nuit, attendra. Et d'autre part, j'ai envie de vivre des aventures, alors que vraiment le grand âge ne me le permet plus. Mais je suis capable de n'importe quoi. Et puis aussi, on peut se poser des questions, là. J'ai été aveugle. Et puis après, j'ai bouffé du livre, parce que je lisais un livre par jour. Parce que maintenant, je ne peux plus lire. Alors, suis-je rattrapé ? Je n'en sais rien. Le titre, La nuit attendra, c'est quoi ? C'est que je sors de cette grande douleur de quelqu'un qui a perdu la vue, et puis qui se dit, je ne veux plus être dans la nuit. La nuit attendra. Et peut-être qu'aujourd'hui, la nuit commence à s'inquiéter de mon sort. Peut-être qu'elle voudrait que je la rejoigne. Est-ce que vous vous souvenez de ces nombreuses discussions au bar du Continental ou ailleurs avec les autres correspondants de guerre, parce que ce dont on ne se souvient plus, c'est ce qu'est une société de correspondants de guerre, c'est-à-dire ces gens qui sont en permanence dans les mêmes cafés, dans les mêmes restaurants, dans les mêmes hôtels, puisqu'ils logent et dans les mêmes théâtres d'opération. Et d'autres qui viennent les rejoindre et qui repartent, des envoyés spéciaux. Il y avait ceux qui venaient pendant 2 jours, 3 jours et qui racontaient la guerre d'Indochine. Voilà. Cela m'a beaucoup amusé. Voilà. Moi, je suis resté 8 ans. Alors justement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce que leurs analyses sont fines, intéressées, intéressantes? Est-ce que vous pensez qu'à un moment ou à un autre, ils voient ce qui va advenir? Ou au contraire, ils sont tellement pris dans la société indochinoise qu'ils ne voient plus? D'abord, lorsqu'on arrive, nous avons une mission. Nous sommes journalistes, on fait un travail, nous sommes des grands reporters. Et là, c'était une équipe assez extraordinaire, parce que lorsque vous avez dans le même temps Lucien Baudard, Jean Lartégui, Jean Ougron, Max Clot, Dick Cirise, Raymond Cartier, qui était passé plus longuement et qui avait compris tout de suite l'enjeu. De Paris Match. Oui, l'enjeu de cette guerre. Bon, qui vous nomme d'ailleurs correspondant de Paris Match. Alors que j'avais 20 ans, c'était inouï. Quoi. Bon, lorsque vous avez ça, vous vous dites, je suis dans un univers flambant neuf. Et c'est vrai que les premiers mois, vous jouez de cette carte. C'est-à-dire que c'est fabuleux. Vous avez l'impression de vivre une grande aventure. Puis après, vous vous amusez à mieux comprendre le pays. Puis petit à petit, dans nos conversations, telles continentales, eh bien, nous comprenions que cette guerre pourrait aller au naufrage. Mais on le savait. Mais on continuait à faire notre travail. Alors, il y avait des bagarres, parce que Lartégui Baudard, c'était très amusant de vivre ça. Il y avait des moments insensés avec Max Clot. C'était quoi les lignes de fracture entre Lignes de fracture, c'est que Lartégui se considérait comme un grand écrivain et considérait Baudard comme un journaliste qui pique les informations des autres, ce qui n'était pas vrai. Et Baudard ne voulait pas reconnaître la qualité d'écrivain de Lartégui. Parce que Baudard, vous avez dit quand vous êtes arrivé, il vous avait dit Tolstoï ou Hugo doivent être tes modèles. Oui, absolument, oui. Non, mais tout ça était assez bizarre comme ambiance. On vivait à la fois la légèreté de notre vie, on vivait vraiment les à-côté de toutes ces sectes, qui étaient toutes différentes, qui avaient des religions un peu insensées, et puis on vivait aussi la guerre. Mais comment vivre dans cette ambiance où tout le monde vous dit quand vous arrivez, mais tout au long aussi de votre séjour, ce séjour de 8 ans donc en Indochine, tout le monde vous dit « méfie-toi ». C'est-à-dire que c'est tout de même étrange d'être dans une société dans laquelle tout le monde se méfie de tout le monde. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, c'est aussi une société peureuse, refermée sur elle-même, menacée en permanence, qui fait qu'au bout du compte, eh bien, on ne peut pas véritablement se confier, que la moindre amitié que l'on peut avoir, on se demande si on n'est pas justement dans le troisième homme et si on n'est pas en train d'être avec un espion du Viet Minh, par exemple. Ça s'est passé de la même manière pendant l'occupation. On se méfiait de tout le monde. Là, à Saïgon, vous ne pouviez pas savoir si celui que vous rencontriez n'était pas un agent viet. On n'était pas un fidèle du général Giap et de Ho Chi Minh. Même mes copains les mieux placés, vraiment des plus grandes familles, partageaient cette idée de nationaliste. Donc il fallait se méfier. Mais si je m'étais méfié, je ne vivais plus. Moi, j'avais envie de tout pratiquer. Mais je n'étais pas dupe. Je savais qu'un jour, je pourrais avoir un problème. Je ne l'ai pas eu. Regardez, Lucien Baudard, à un certain moment, c'était à la fin, a écrit vraiment des articles tout à fait extraordinaires sur la folie des sectes et sur la folie deuxième. Mais il a été raccompagné à l'aéroport. Et j'ai été le seul à l'accompagner à l'aéroport. Il a été viré. Les autres ne sont pas venus. Genre, j'ai demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas venus? On avait peur. Et une fois encore, là, je ne m'étais pas méfié. Donc, pour moi, peut-être une certaine inconscience. Alors, il y a, on parle tout le temps des Vietnamiens, on parle des Français, il y a une communauté très importante dans le Saïgon que vous connaissez, que vous parcourez, Jacques Chancel, c'est la communauté chinoise. Vous avez eu l'occasion de croiser certains membres très haut placés de cette communauté chinoise. Quelle place tient-elle dans cette Indochine coloniale? Elle est où, cette communauté chinoise? Elle est séparée entre un camp et l'autre? Est-elle proche des Français? Comment vit-elle et de quoi vit-elle? Elle vit à part. Elle n'est pas une communauté. Ces gens-là ne se réunissaient pas. Ils vivaient vraiment les grandes familles ou les petites familles. Vraiment les industriels et les commerçants. Moi, j'ai eu la chance de devenir l'ami de Louis Bonnois, qui était la famille la plus riche peut-être du monde, puisqu'à Saïgon, il possédait 4000 immeubles, enfin villas et immeubles, qu'il vivait dans une forteresse que je raconte, où il y avait trois palais, l'un pour eux, qui était leur maison d'habitation, un autre palais pour la domesticité, il y avait 120 domestiques, et puis l'autre qui était l'hôtel des ancêtres. J'ai retrouvé d'ailleurs cette maison, derrière de hautes grilles qui faisaient 7 mètres de haut, et la grande maison qui était celle, le palais familial, est devenue un musée, un grand musée. Donc ces gens-là vivaient totalement à part. Et Louis Bonnois était vraiment mon ami intime, comme un frère. Mais il s'occupait très peu de politique. Son problème, c'était de préserver la fortune de la famille. Ces gens-là n'avaient rien à faire de la guerre. Ils profitaient de la guerre. Ce qu'il y a de très étonnant, quand on vous lit dans La Nuit attendra, Jacques Chancel, c'est de mesurer alors, ce niveau de conscience ou d'inconscience des colons qui sont encore sur place, de leur vie, vous disiez, la fête, l'ambiance, etc., de leur séjour à Dalat, de ce tout petit milieu, tout compte fait, qui est comme une sorte d'excroissance de la France dans un pays qui n'en veut plus ou qui est en train de ne plus en vouloir. Cette petite communauté n'est-elle pas à un moment, ne sent-elle pas le renfermer, Jacques Chancel? C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand on est entre une centaine ou 200 personnes qu'on croise quotidiennement, qui sont toujours des Français expatriés, comment cela se passe-t-il? Non, nous, on n'avait pas du tout cette impression parce que nous, on voyait tout le monde. Puis on voyait passer les gens qui arrivaient d'Amérique, qui arrivaient de France. Et nous étions les premiers qu'ils venaient voir parce qu'ils voulaient avoir des informations. Donc forcément, ils voyaient les correspondants de guerre. Mais c'est vrai qu'il y avait un milieu tout à fait particulier. Et cette impression coloniale qui venait d'ailleurs. Moi, je n'ai pas connu de colonialistes. J'ai connu simplement des gens qui se croyaient colonialistes. Je vous raconte une histoire. Il y avait un monsieur qui est arrivé avec sa femme. Il était communiste à Paris. Et là-bas, il était mécanicien. Et là-bas, on lui a donné la direction d'un grand garage qui était le garage Charner, dans l'une des plus grandes avenues de Saïgon. Forcément, il avait une villa, il avait un BEP, c'est-à-dire un cuisinier, il avait deux femmes de chambre, et il avait un chauffeur pour lui, un chauffeur pour sa femme. Il était devenu colonialiste. On était pris par cette ambiance, et on ne pouvait pas faire autrement. Mais dans le même temps, nous, on regarde ces gens avec un peu de dédain quand même. Mmh. Et c'est bizarre ce que nous avons pu vivre. Et je n'ai jamais voulu, moi personnellement, de faire partie des anciens combattants, des anciens correspondants de guerre, des anciens ceci, des anciens cela. Tout ça est ancré vraiment en moi. Je me souviens, j'ai l'amitié. J'ai revu sans arrêt Baudard et Lartigui et Chandler, Ferré, Coutard et Camus. Mais je n'ai pas voulu faire partie, n'ayant jamais été scout. Et comment avez-vous quitté finalement ce pays qui vous avait accueilli alors que vous aviez 18 ans, Jacques Chancel? La défaite est là, 1954, les accords sont signés, il faut partir. On est viré. On est viré. Ah oui, complètement, oui. Vous savez, pour moi, le tragique d'une vie, c'est ce que je n'ai pas vécu. C'est-à-dire que j'étais à Dien Bien Phu, mais avant. Et Dien Bien Phu, c'est vraiment la misère. C'est l'anéantissement. C'est vraiment la catastrophe, que vraiment un haut commandement ait envoyé 20 000 hommes dans cette cuvette, c'est totalement insensé. Regardez un type comme Pierre Chandler, je l'ai accompagné à Hanoï lorsqu'il a pris l'avion en avril, c'est-à-dire à la veille de mai 54 de la chute, il s'est fait parachuter, il fallait être fou, mais il avait que, comme il me le disait, j'ai le sens de l'honneur. Tellement de gens sont morts, il faut que j'aille voir comment les autres réagissent. Il est parti avec ses caméras. D'ailleurs, il a été fait prisonnier. Il fait partie de ces hommes, ils étaient quand même presque 10 000, qui ont fait la grande marche de 800 km. Et il y en a 2 000 seulement qui sont revenus. Et on parlait avec Chandler-Fer. Mais Chandler-Fer avait dans sa tête tous ces feux de ce qu'il avait vécu. Moi, j'ai essayé de les éteindre. Et donc, vous avez quitté, à quel moment, justement, cette Indochine qui vous avait accueilli à 18 ans? Alors, d'abord, lorsque j'ai recouvert la vue, j'étais à Dalat, et de Dalat, je suis parti pour Angkor. J'aimais les temples d'Angkor, je trouvais que c'était tout à fait extraordinaire. Là-bas, j'avais un ami qui était Jean Laure, le conservateur. D'ailleurs, aujourd'hui, il habite en face de chez moi, là. C'est bizarre de se retrouver comme ça. Et c'est sur les marches du Bayon, encore, que j'ai dit, cette aventure de mes 24 ans se termine. Après, je suis resté parce que et la radio française et Match m'ont demandé de rester. J'ai vécu pendant un temps à la frontière du Cambodge, dans un pays qui s'appelait la Palquée. C'était une maison de chasse, un rendez-vous de chasse sur pilotis pour que les tigres ne viennent pas nous surprendre dans nos chambres. Et ça, ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire. Cette vie que j'avais avec les animaux, avec les gens, avec les moïs. Et j'aimais cette peuplade parce que d'abord, c'était des gens généreux. Lorsqu'on couchait chez eux, et ça m'est arrivé souvent de coucher chez eux, ils ne dormaient pas tant que vous dormiez. Il fallait prendre la longueur des bambous pour pouvoir avoir une assise, autrement votre dos était paralysé. Et puis c'était des dresseurs d'éléphants, des pisteurs extraordinaires, des chasseurs merveilleux. Alors, vous quittez l'Indochine française, vous n'y revenez pas ensuite, vous ne voyez rien de la guerre américaine? Non, rien. Et je n'ai pas voulu la voir. Parce que si, par exemple, l'armée américaine avait fait ce qu'elle aurait dû faire, puisqu'elle voulait, elle aussi, chasser le communisme, elle aurait pu le faire, elle ne l'a pas fait. Elle est allée au désastre, encore un pire désastre. Il y avait une grande aventure entre eux et nous. C'est-à-dire que les Vietnamiens nous ont aimés. Ils n'ont pas aimé les Américains. Vous êtes persuadé de ça? Ah oui, complètement persuadé. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de relations. Après, je suis revenu en Indochine avec Marcel Camus pour tourner Mort en fraude, qui était le film de Jean Hougron. Donc j'ai beaucoup parlé avec ceux qui étaient devenus indépendants, qui ne faisaient plus la guerre, nous n'étions plus des ennemis. Nous avions été chassés, c'est tout. Donc il y avait des conversations qui étaient des conversations vraiment très abouties. Et qu'est-ce qui restait de cette présence française? Oh, il ne restait plus rien. Il restait, si, tous les endroits qui ont été faits. Oui, mais de la mémoire française. C'est-à-dire... Ben, les gens ont voulu oublier. Et ils ont oublié complètement aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai été frappé à l'aéroport il y a 2 ans. C'est que les gens ne parlent pas le français, ne parlent plus le français. Mais ils ne parlent pas non plus l'américain, l'anglais. Donc, ils ne parlent plus que le vietnamien. En tout cas, à l'aéroport et dans les hôtels. Peut-être qu'il y a des cercles, des cénacles où l'on parle toutes les langues. Parce que les Vietnamiens ont une richesse de vocabulaire. Ils ont une force vraiment expressive. Ce sont des philosophes, souvent. Il y a eu des grands sages. Il y a eu ce qu'on appelait les lettrés. Et les lettrés existent encore. Mais aujourd'hui, on les cache. Parce que ça n'est plus de saison. Merci Jacques Chancel. Si on veut en connaître encore un peu plus sur votre Indochine, votre vision de l'Indochine, eh bien, il faut lire La Nuit attendra, votre roman chez Flammarion. Et on espère quand même, dans une émission d'histoire, qu'un jour vous ferez sortir ces petits carnets de notes que vous avez. Parce que tout compte fait pour l'historien, ça serait extrêmement intéressant. Mais on me le demande. Je résiste. Il y aurait trop de choses vraiment qui seraient à revoir parce que c'est fou ce que je pouvais dire sur les généraux et les mauvais politiques. Merci Jacques Chancel. Merci à vous. Demain, nous continuons cette semaine consacrée donc à l'histoire du Vietnam et de l'Indochine et nous allons nous intéresser à un itinéraire singulier, celui de Claude Vautanlock dans un documentaire de Séverine Yattard et d'Anne Fleury. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Claire Maillot et Marie-Vonne Abolivier ainsi qu'Aurélie Marcet. Pierre Quintard était à la technique et Anne Fleury à la réalisation.